le 7-9 sur France Inter. Sur France Inter et en direct de Lille. C'est à vous, François Morel. Par une seule phrase, Martine Aubry a œuvré cette semaine pour la clarification du débat politique ras-le-bol de Macron. C'est clair, c'est direct, c'est efficace. D'autres acteurs de la vie politique auraient sans doute pu dire « Il me semble que la parole de M. Macron, même si elle est légitime, talentueuse, compétente et permet de nécessaires débats, devrait sans doute s'accompagner de nuances, tant il est important, dans le contexte actuel, de saluer le système du fonctionnariat français qui représente, et peut-être n'en avons-nous pas suffisamment conscience, une véritable richesse aussi bien humaine qu'économique pour toute notre communauté. Ras-le-bol de Macron, ça permet d'aller plus vite au sens. Ça fait gagner du temps, les interviews politiques sont toujours un peu grâce. Politique, faites comme Martine, synthétisez votre pensée. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on suit les aventures. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on suit les aventures de Martine fait de la politique. Une vraie femme de gauche, pas n'importe quelle gauche, la gauche sociale, solidaire, pur jus, congrès de Reims, ministère de la Solidarité, 35 heures, la gauche à l'ancienne, pas celle qui se fait acclamer au MEDEF, pas celle qui renforce le contrôle des demandeurs d'emploi, pas celle qui remplace les trains régionaux par les autocars. Comment ? C'est moi qui l'ai mis en place, le contrôle des demandeurs d'emploi, en 92. Faut quand même redire la vérité des choses. Mais c'est pas grave, je vous enverrai le décret. Oui. S'il vous plaît. Pas celle qui pense... Alors là, j'ai raison. Pas celle qui pense que le dimanche peut être comme les autres. Oui, vous avez raison. Non, la gauche de gauche. Ben voilà. Un vrai repoussoir pour la droite de droite. Jean Jaurès disait « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage ». Victor Hugo écrivait « Qu'on ne l'oublie pas, le socialisme a pour but l'élévation des masses à la dignité civique et pour préoccupation principale l'élaboration morale et intellectuelle ». Emmanuel Macron affirmait « Les jeunes Français doivent avoir envie de devenir milliardaires ». N'est-ce pas un peu inquiétant de voir que lorsque la gauche prétend se moderniser, c'est toujours pour ressembler à la droite ? Est-ce que les gens de gauche qui trouvent la droite plus moderne ne devraient pas se définir simplement de droite ? Ce serait plus simple. Donc le candidat de gauche pour la région Nord est Pierre de Saint-Ignon. Bonne chance, courage, il en faudra. Petit retour historique, en 1995, Jacques Delors, qui passait pour le seul socialiste capable de battre la droite à la présidentielle, renonce à se présenter. C'est Lionel Jospin qui part au casse-pipe. Merci Jaco. En 2015, Martine Aubry, qui passe pour la seule femme de gauche en mesure de battre l'extrême droite dans la région Nord, préfère jeter l'éponge. C'est Pierre de Saint-Ignon qu'on envoie à l'abattoir. Merci Titine. Ce n'est pas que l'histoire bégaye, c'est qu'elle cafouille, elle bafouille, elle s'embrouille. Je dis Jaco, je dis Titine, ne le prenez pas mal. Forcément qu'il y a un peu de familiarité avec vous depuis le temps qu'on vous connaît. La familiarité, ça évoque la famille et franchement, je préfère nettement votre dynastie à d'autres. D'autant que vous vous entendez bien avec votre papa, qu'on salue, qu'on remercie, qui fut un constructeur. La dernière fois que France Inter est venue à Lille, on a déjeuné dans un restaurant qui est une institution ici, notamment grâce à ses gaufres à la vanille de Madagascar. Au dessert, justement, Martine Aubry nous avait fait une imitation assez convaincante de Ségolène Royal. C'est comme ça qu'on aurait dû finir le 7-9 de ce matin. On aurait dû demander à Martine de nous imiter Ségolène. On se serait bien amusé parce que franchement, les prochaines échéances politiques ici à Lille, dans la région Nord, elles font pas tellement rigoler. François Morel, en direct. Un mot de commentaire, Martine Aubry, si vous le souhaitez. Non, simplement rappeler à ceux qui ne le savent pas que j'ai été chef d'entreprise chez Péchinet. Non, mais attendez, voilà. Que j'ai rétabli les comptes de la Sécurité sociale. Je crois que je suis la seule ministre à l'avoir fait pendant 2 ans. Que j'ai mis en place le contrôle des chômeurs parce que moi, je crois que la plupart des chômeurs cherchent un boulot. Mais que quand il y en a qui fraudent, il faut les sanctionner. Ou alors, juste que je suis les effectivement contre le travail le dimanche, sauf dans les zones touristiques que j'ai mis en place en 93, mais pas des zones touristiques qui s'étendent à toute une ville. Anne Hidalgo a raison, à Paris, ça n'a aucun sens dans le 13e et dans le 15e. Uniquement là où il y a des touristes, et pas pour faire plaisir aux grands centres commerciaux, parce que je défends le petit commerce, et que je veux pas la désertification du centre-ville. En écoutant François Morel, je me souvenais d'une phrase que vous aviez prononcée, Martine Aubry, pendant la bataille des primaires en 2011. C'était « On ne bat pas une droite dure avec une gauche molle ». C'est toujours votre sentiment aujourd'hui ? Bah, une gauche qui n'est plus une gauche. Merci Martine Aubry d'être venue ce matin en direct au Théâtre du Nord, à la réalisation à Paris, Anne-Laure Cochet, Antoine Fortin cette semaine. Merci aux équipes techniques ici à Lille. Bonjour Augustin Trapenard. Salut Patrick.